En Corée, les fresques en mosaïque représentant le président Kim Il-sung et le général Kim Jong-il sont inaugurées dans la fabrique des matériaux de construction chimique de Pyongyang, la fabrique des denrées alimentaires de Ryongbu et la fabrique céramique de Gangnam.